Backtrack. Et mon fils dans la parenthèse appelle ma chérie, je suis plus en love. M'en fous tes fesses, je vais toucher du mot. Toucher du mot.